Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OST, l'émission qui vous parle de jeux vidéo mais surtout de musique de jeux vidéo. On est ensemble pendant un peu moins d'une heure comme d'habitude et comme d'habitude également, Emeline est avec moi en studio. Bonjour Emeline. Bonjour Romain. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un studio dont on vous a parlé récemment parce qu'on vous a fait une spéciale sur Bastion et cette fois, on va parler de leur deuxième jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant et qui est un changement d'univers mais vous allez voir avec un peu la même équipe. Donc le studio c'est Supergiant Games, je vais quand même le cité, et donc le jeu c'est Transistor. Hey Red, we're not gonna get away with this, are we? Come on, pull. There. Together again. Sort of. What a night. You're still in one piece. That's all that matters. Transistor, donc le jeu dont on vous parle aujourd'hui dans cette émission d'OST, est sorti en 2014 sur PS4 et sur PC. C'est un jeu d'action RPG de science-fiction, on peut même préciser. Alors, un jeu d'action RPG, il y en a pas mal de tous les styles. Et celui-là, vous avez la caméra qui a une vision, enfin oui, la vision est un peu différente de ce qu'on a des fois. C'est que c'est assez reculé en fait, on prend du recul. Ça s'appelle la vision en 3D isométrique. C'est-à-dire qu'on voit à la troisième personne, on voit notre petit personnage, mais il y a vraiment un recul assez important, comme si on voyait en hauteur. Pensez aux jeux comme Diablo, par exemple, qui a vraiment cette vision-là. Transistor est donc le deuxième jeu du studio Supergiant Games, et Romain nous raconte l'histoire tout de suite. Alors l'histoire de Transistor nous emmène dans la ville futuriste de Cloudbank, qui est une ville connue surtout pour ses artistes célèbres en fait, donc architectes, peintres, etc. Et également pour une chanteuse nommée Red. Donc Red comme la couleur rouge hein, en anglais. Lors de l'un de ces concerts, malheureusement, notre héroïne est attaquée par une faction appelée la Camerata. Et résultat, elle perd sa voix et son garde du corps se retrouve avec une étrange épée plantée dans le torse. Et donc, en fait, on va vite comprendre que, visiblement, en fait, l'esprit de cet homme a été transféré dans l'épée. En tout cas, c'est lui qui va communiquer avec la chanteuse pendant tout le jeu. Et donc, c'est lui qui va faire office de narrateur. Comme dans Bastion, où il y avait le vieil homme qui nous racontait toute l'histoire et toutes les actions, là aussi, il y a quelqu'un qui va monologuer en fait, avec nous et avec la chanteuse Red pendant toute l'histoire. Et donc, c'est lui qui fait office de narrateur. D'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus en parlant de la bande originale en général, mais en s'attardant un petit peu sur cette voix du narrateur, qui est toujours le même acteur que dans Bastion, qui faisait aussi le narrateur dans Bastion à ce moment-là. Là, il s'appelle donc, c'est toujours Liam Cunningham qui fait donc cette voix à l'épée. Vous avez le même compositeur, puisqu'il s'agit du studio Supergiant Games et qu'on a des gens salariés maintenant dans le studio. Et le compositeur aussi est salarié du studio, qui s'appelle donc Darren Korb, on retrouve après Bastion. Et on a aussi la même chanteuse que dans Bastion, qui s'appelle Ashley Barrett. Elle faisait la voix de Zia, d'ailleurs, dans Bastion. L'enregistrement de la bande originale de Transistor s'est fait en deux fois. Le principal a été enregistré en fait à New York, parce que c'est là tout simplement que vit Darren Korb et Liam Cunningham d'ailleurs. Les deux sont à New York alors que le studio est à San Francisco, donc il faut quand même traverser tous les États-Unis pour aller voir le studio. Donc lui en fait il a enregistré ça dans son appartement tout simplement, et c'est marrant parce que du coup c'est au niveau technique on va dire c'est quand même moins stable que d'être dans un vrai studio professionnel entre guillemets qui est complètement isolé et tout ça, donc c'est un peu du système. système D de le faire dans son appartement, mais comme dans Bastion, il va lui-même enregistrer en fait la plupart des cordes pincées parce qu'il est guitariste de formation, et il va ensuite agrémenter avec d'autres sons, avec d'autres samples, et donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de percussion acoustique, par exemple dans la BO de Transistor, c'est parce qu'il a des voisins, donc au bout d'un moment il peut pas faire de la batterie jusqu'à 1h du matin parce qu'il doit composer un morceau, donc il a ajouté ça de manière électronique. Il y a aussi également l'enregistrement des voix, parce que donc Ashley Barrett, qui est une amie en fait de Darren Korb de longue date, est venue enregistrer, et il y a quelques photos que nous met Darren Korb, quelques petites anecdotes, où il nous montre un placard, et disons qu'à une époque, ce placard était vide, et il s'en servait pour enregistrer les voix, pour que tout soit bien isolé, et qu'il n'y ait pas de parasites en fait, avec les bruits extérieurs. Ça n'a pas de sens. Donc c'est marrant, parce que ça fait vraiment, ça rappelle que même si c'est des bons jeux, et que c'est un studio qui est assez connu, on va dire, ça reste quand même une petite équipe, et pas forcément avec des budgets faramineux pour pouvoir louer une salle de studio pour faire la composition avec 50 musiciens, etc. Donc il y a un petit côté bout de ficelle qui est assez sympathique, en tout cas quand on le connaît. Et ça donne aussi sans doute pas mal de plaisir à Darren Korb de composer ce genre de musique, parce que justement il peut le faire comme ça à domicile. Et du coup il en profite aussi pour créer toujours des nouveaux styles de musique. On avait déjà un nouveau style avec le Acoustic Frontier Trip Hop de Bastion, avec donc plusieurs ambiances, et ça résumait plutôt bien le nom de la musique qu'il avait un peu inventée, en tout cas qui s'était appropriée pour Bastion. Et là, dans Transistor, alors on a un autre style de musique qui s'appelle Old World Electronic Post-Rock, qui, voilà, en traduction efficace et rapide, ça pourrait être le vieux monde électronique post-rock, ça marche bien, et qui représente plutôt bien en fait ce qu'on va écouter là, dans l'analyse. Oui, d'ailleurs, on peut y aller, on peut se lancer dans le grand bain. On va commencer donc l'analyse des morceaux de la bande originale de Transistor. Et on commence tout de suite avec un premier morceau qui s'appelle Vanishing Point. Vanishing Point, c'est donc l'un des tout premiers morceaux en fait, que l'on va entendre en jouant à Transistor. Il y a un premier morceau qu'on vous a fait écouter en fait, dans l'intro, qui est vraiment le tout premier, qui s'appelle Old Friends. Et là, Vanishing Point, donc, on commence à se balader dans la ville de Cloudbank, armé de notre épée qui nous parle. Et c'est directement entré dans le vif du sujet de justement ce Old World Electronic Post-rock, avec vraiment une musique du futur, complet, qui fait vraiment musique du futur, et donc qui est complètement en décalage déjà avec le monde de Bastion. Donc ça, c'est mis d'entrée. On n'est pas dans le même univers. C'est pas la même chose. Il y a des points communs, mais au niveau musical, ce sera quand même très différent. Parce qu'il y a des sons vraiment électroniques qui nous montrent un futur voilà, avec beaucoup d'écrans très connectés et tout ça. Et alors que le monde de Bastion semblait évoluer, mais plus dans un style steampunk, avec des rouages, des métaux, du bois et tout ça, des matières, on va dire, plus brutes. Et donc là, quelque chose d'un peu plus élaboré, ou en tout cas de plus net et de plus futuriste. Donc voilà, il y a deux visions déjà qui se confrontent dès le premier morceau. Et justement, dans ces sons électroniques, en fait, on va retrouver la même chose dans toute la bande originale, avec là, ici, un son de clavier qui fait presque synthétiseur, en fait. On a aussi des percussions, énormément de percussions dans toute cette bande originale. Donc, des percussions électroniques, comme on a pu le dire par rapport aux voisins. On a un banjo distordu, on a une harpe, on a aussi une guitare électrique qui est assez saturée au niveau du son. Et en effet, ce sont les mêmes instruments que dans Bastion. Par contre, le traitement du son, comme disait Romain, est assez différent, exprès pour avoir cette ambiance plus futuriste. Et puis, on va retrouver un élément d'écriture musicale qui est une boucle de 4 notes répétitives qui est jouée justement au clavier, que vous avez dès le début du morceau, là. Et ça nous rappelle, en fait, un peu les bandes originales de certains films d'anticipation ou de science-fiction. Là, comme ça, on peut penser à Equilibrium de Kurt Wimmer, qui utilise ce genre de procédé qui est assez entêtant et en même temps très net au niveau du son et qui nous fait penser, nous, au futur. Est-ce que la musique sera comme ça ? On ne sait pas, on verra. Est-ce qu'on a déjà la musique du futur ? Peut-être. Et puis, on pense aussi à des jeux comme Portal du studio Valve, qui est d'ailleurs un super jeu qui donne cette ambiance, qui est un FPS, un first-person shooter pour le coup, mais qui a aussi une bande originale assez futuriste et puis qui utilise un peu ces procédés-là. On enchaîne tout de suite avec un nouveau morceau pour Transistor. Ce morceau s'appelle Waterwall, mais tu voulais en parler un petit peu avant qu'on l'écoute. Tout à fait. Pour pouvoir un petit peu savoir ce que vous allez entendre, tendez bien l'oreille. Vous avez deux instruments que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre et en plus qui sont là utilisés de façon assez originale, en tout cas accompagnés avec les instruments qu'on a pu entendre dans le morceau précédent. Il s'agit de la harpe et surtout de l'accordéon. We'll be right back. On vient donc d'entendre Waterwall de la bande originale de Transistor, avec ses deux instruments, l'accordéon et la harpe, qui sont rarement entendus dans des bandes originales de jeux vidéo. D'ailleurs, la harpe, on l'entend assez bien dans des solos. Il y a des passages solos vraiment où elle est toute seule, avec des graves super impressionnants. Alors, je suis peut-être pas très objective parce que c'est quand même mon instrument, mais il y a des sons qui sont très bien utilisés et un peu amplifié avec l'électronique, enfin, ça marche très très bien. Et puis là, dans ce morceau-là, on a surtout l'accordéon qui est utilisé de différentes façons, et puis des sons d'accordéon qui ressemblent presque à l'accordéon, mais c'en est pas. Et du coup, on a toujours l'impression de l'entendre, il est quand même très présent en fait. Et ça nous fait un mélange d'ambiance assez particulier, avec un peu un côté pays slave, avec le folklore de ces pays-là. Il y a presque une gamme d'inspiration orientale d'ailleurs, qui de toute façon, on a cette inspiration logique par rapport aux pays slaves, et qui est assez, assez chouette à entendre, hein, qui est bien traitée d'ailleurs. Et cette musique-là, pour moi, j'ai appelé ça du guinguette trash. Ça marche bien. Un nouveau genre, donc le guinguette trash. Voilà, moi aussi j'invente des styles et des musiques. Très bien, et c'est intéressant quand même comme morceau parce qu'il met tout de suite en avant l'ambiance qu'on va avoir en fait dans le jeu Transistor, c'est-à-dire un mélange en fait de plusieurs choses, mais un rendu qui est quand même assez classe, même si on parle de guinguette, mais un rendu qui est quand même classe et assez charismatique, vraiment. En même temps, quelque chose d'un peu froid, d'assez distant, on va dire. C'est pas très chaleureux comme musique, et puis on en parlait, c'est... là, on en parlait hors antenne, mais c'est tout est en mineur la plupart du temps, donc c'est pas quelque chose qui va vous tirer un sourire et tout ça. Et il y a un côté aussi un peu jazzy que j'arrive pas trop à définir personnellement, mais que ça me fait sentir un peu ce truc-là. Peut-être un peu le truc distant, justement. Mais Oui, et puis les percussions utilisées, je pense pas mal, et peut-être même au niveau des gammes, on a des choses... plus free, quoi, qui ressemble ouais, plus à donc, du jazz. D'accord, ok, donc plus du free jazz. Et donc, on est vraiment là-dedans, et c'est un peu le ressenti qu'on va avoir dans la plupart des morceaux, en fait, surtout de ces morceaux-là, qui sont plutôt des morceaux d'ambiance, où on se balade dans la ville de Cloud Banks. On va passer maintenant à un nouvel extrait, donc qui n'est pas un morceau, mais qui est vraiment un extrait du jeu, là, parce qu'on voulait vous présenter, en fait, l'idée principale du gameplay, qui est un pouvoir, en fait, qu'a votre épée qui parle, donc le transistor. Vous allez voir qu'à un moment, en fait, très vite dans le jeu, vous allez être capable d'arrêter le temps. Something's wrong. Get ready. Alors Emeline, qu'est-ce qui se passe exactement là dans cet extrait ? Eh bien, à ce moment-là, Romain, on entend deux choses très différentes. On entend un passage très instrumental et punchy, disons-le. Et ensuite, on entend un passage beaucoup plus doux, éthéré, avec la voix et des sons lointains. Et en fait, ça représente deux passages du jeu. Quand on est en combat, vous décidez donc, comme disait Romain, d'arrêter le temps. Vous pouvez, c'est possible. Tout le monde se met sur pause, tout est sur pause, sauf vous, qui pouvez ainsi préparer vos coups à l'avance pour pouvoir vous battre plus efficacement avec une certaine tactique. Et ça fonctionne très très bien dans le gameplay et niveau musical. On comprend tout de suite, c'est très clair. Visuellement, tout passe en négatif. Vous voyez, tout ce qui était sombre devient clair et inversement. Et puis, du coup, ça donne un caractère très différent. On comprend très bien ce qui est en train de se passer. Et puis, même la musique nous aide à ça. Oui, la musique a été composée de telle manière qu'on puisse faire ce changement en fait, d'état et d'atmosphère très rapidement, parce que pour la première fois de sa vie, je crois qu'il l'a dit dans une interview, Darren Korb a enregistré en multicanaux, c'est-à-dire que chaque piste et chaque voix en fait, et chaque instrument est indépendant en fait, de l'autre, ce qui fait qu'on peut très facilement mettre des effets sur chaque piste et ensuite décider de ce qu'on met en avant ou pas. Par exemple, quand on passe en mode pause et qu'on arrête le temps, il y a un effet du coup qui est mis sur la piste qui fait que tout ce qui est instrumental est en sourdine, il reste plus que les basses en gros qui restent, et à ce moment-là la voix du coup part et le fredonnement peut commencer en fait et est bien mis en avant. Donc il y a un système de composition qui fait que c'est rendu possible pour le jeu et que c'est vraiment adapté pour le jeu. C'est là qu'on voit que Darren Korb a vraiment, enfin il travaille vraiment dans le studio et que du coup il est à fond avec les développeurs pour créer de la musique en même temps que des idées de gameplay. Il fait partie de la création avec tout le monde et ça se ressent là vraiment ici. Ouais, exactement. Bon, et maintenant si on allait un petit peu à la plage, Emeline. On vient donc de s'écouter Coasting. Dans cette musique-là, on entend toujours les mêmes instruments hein, dont on a déjà parlé. Banjo, là cette fois il y a un piano. On a les percussions électroniques. Et puis surtout, la guitare solo est assez mise en avant, qui donne un côté justement plus acoustique, parce que la guitare elle-même est acoustique. Donc on se sent un peu plus dans l'intimité en fait, d'un morceau qu'on pourrait écouter soi-même, juste avec une guitare à côté de soi. Et puis on s'imagine tout de suite à la plage, avec un côté festif. Et puis il y a aussi un côté assez hispanique, le moment où la guitare commence à faire des accords, où on se voit très bien dans un moment de flamenco. C'est un moment plus flottant et puis ces accords sont très bien maîtrisés, très bien choisis. Ce qu'on peut dire aussi sur cette musique, c'est qu'on a une forme musicale qui est très adaptée aux jeux vidéo en général, avec une forme qu'on appelle ABA, sauf que là cette fois on a A, B, A, jusqu'à plus soif, pour que le joueur qui est en train de s'occuper de combattre des ennemis ou de se promener dans un univers à monde ouvert, justement, puisse se balader sans se poser de questions et qu'il n'y ait pas de coupure dans la musique. Et ça fonctionne très bien. On vous en a déjà parlé, mais vous allez encore en entendre parler dans la musique de jeux vidéo. Oui, c'est l'un des principes fondateurs pour si tu te balades 2 heures dans le même donjon, il faut que tu aies la même musique qui reste, et c'est aussi comme ça que ça rentre dans la tête d'ailleurs. Voilà, ah, oui, c'est vrai. La partie plage donc, qui est avec cette musique Coasting, c'est vraiment un lieu très étrange dans Transistor, parce que donc, vous vous baladez dans la ville de Cloudbank et d'un seul coup il y a des portes en fait, un peu dérobées, il faut quand même les chercher un petit peu, qui s'ouvrent, et là d'un seul coup vous traversez la porte et vous n'êtes plus du tout dans une ville, vous êtes vraiment à la plage. Donc il y a une plage, un ballon, un hamac, il y a plusieurs portes, etc. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire en fait, dans cette espèce de bulle qui est là. Donc il y a des portes qui vous amènent à des salles d'entraînement pour pouvoir améliorer vos compétences au combat, que ce soit vitesse, endurance, etc. Et donc il y a aussi l'aspect plage, donc vous pouvez jouer à la baballe. Il y a un moment, il y a un chien qui va venir et vous pouvez jouer avec lui. Il y a un hamac où là en fait c'est un espace, un moment de réflexion où le narrateur donc, va vous faire un petit récap de ce qui s'est passé dans le scénario, et on a besoin quelquefois, et vous donne son sentiment en fait, sur ce qui se passe, sur comment il pense que ça va aller dans le futur, etc. Et il y a aussi un petit gramophone qui vous permet en fait, de jouer les chansons et les morceaux en fait, de la bande originale, comme vous le voulez, avec un effet un peu vieux d'ailleurs, gramophone, parce que la chanteuse n'a plus de voix dans le jeu, mais elle a enregistré en gros en vinyle ces trucs. Donc il y a un côté vinyle, et on peut enfin entendre les versions chantées en fait, avec ce gramophone. En plus, c'est grâce à vos réussites aux entraînements que vous débloquerez au fur et à mesure des morceaux, et qui vous permet d'en écouter plusieurs. Alors moi, j'avouerais que j'ai passé beaucoup de temps sur cette plage, parce que je m'y sentais bien, les entraînements sont bien faits, et puis... cette musique en fond, on peut choisir en plus laquelle on écoute, c'est super agréable. Ouais, donc voilà, on peut checker sa tracklist comme on le veut et s'entraîner dessus comme on le souhaite. Donc c'est vraiment un moment à part dans le jeu Transistor. On va continuer, ce coup-ci, un autre morceau aussi qui est un peu différent des autres, et on va enfin pouvoir entendre vraiment du chant parler. Fly. dans cette chanson In Circles, qu'on trouve dans la bande originale du jeu Transistor. Vous avez donc enfin la chanteuse qui s'exprime avec des vraies paroles. Et en fait, le fait d'avoir réutilisé un peu les mêmes instruments qu'on a déjà depuis le début, les percussions électroniques, un piano avec un son de harpe aussi, et puis des basses qui sont jouées par un clavier électronique, en fait, on retrouve un petit peu ce qu'on connaît déjà. Mais on s'y est habitué, on s'y sent un peu comme chez nous, et du coup, d'un seul coup, on a la voix qui ressort de tout ça avec des paroles assez claires, un refrain qui est très expressif, « I won't save you, je ne te sauverai pas », ce qui est assez négatif, assez triste. Puis le piano aussi qui fait des notes répétées, une mélodie assez triste en fait, un arpège descendant. Ça marche très bien et c'est assez beau, assez triste. Et dans le jeu, donc, c'est le premier combat de boss en fait, qu'on va avoir. Donc, je vous ai parlé dans l'histoire qu'on était attaqué par une faction qui s'appelle la Camerata, une espèce de famille un peu étrange en fait, qui essaye de régner sur la ville de Cloud Banks. Et donc là, c'est la cadette, on va dire, un peu de la bande, qui s'appelle Sybille, donc qui est le premier adversaire qu'on va affronter. Et c'est la seule chanson en fait, avec des paroles vraiment qu'on a pendant un combat. Tous les autres seront des morceaux instrumentaux. Il y a évidemment le fredonnement, mais qui est encore un peu différent. Et voilà, c'est aussi parce qu'il y a un lien assez étrange qui lie Red à Sybille. On ne vous en dit pas plus, c'est expliqué surtout par les textes que vous pouvez voir dans le jeu, parce qu'il y a pas mal de lectures quand même si vous voulez comprendre tous les personnages et toutes les intrigues du scénario. Donc voilà, c'est vraiment un moment assez crucial dans le jeu, et va falloir vendre chèrement sa peau, parce que ce n'est pas un combat facile contre Sybille. C'est l'un des premiers difficiles d'ailleurs, on se dit ça y est, un boss. Oui, ça y est, ouais. Et surtout le fait d'arrêter le temps n'est plus aussi avantageux que ça, parce que ça commence à devenir compliqué, et ça commence à avoir du répondant en face. On continue donc avec un nouveau morceau et on en parle un petit peu avant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors cette fois, c'est un petit peu pour faire écho au premier qu'on a entendu, sur lequel on a parlé avant justement, qui s'appelle Waterwall. Cette fois, ça s'appelle Interlace et on retrouve les deux instruments dont on a parlé, qui sont l'accordéon et la harpe. Et cette fois, la harpe est vraiment mise à l'honneur. On vous laisse écouter ça. C'est assez intéressant d'entendre combien l'ambiance est badass avec deux instruments qui n'ont rien à faire là-dedans. En fait, normalement, en tout cas, le style est rarement utilisé pour l'accordéon et la harpe. Et là, la harpe À la fois, elle est utilisée avec beaucoup de jeux typiques, avec des grands arpèges montants, descendants, des petits arpèges, du silence. Mais elle a aussi un côté qui est très original, avec des grosses basses qui sont présentes sur l'instrument, mais là qu'on entend tout particulièrement. Et puis, vraiment quelque chose de très rythmé, qui correspond bien aux percussions qui sont très très présentes et qui donnent ce côté un peu plus intensif et intense. On a quand même le côté magique de l'harpe, faut pas se le cacher. Mais oui, ça fait quand même bogling-ling comme c'est ça. Ça. Ouais. C'est une musique interlace qui est dans le jeu, en fait, une musique d'ambiance comme d'autres, comme Waterworld, etc. Donc c'est vraiment là les musiques qu'on entend quand on se balade, en fait, vraiment dans la ville de Cloudbanks. Et donc il y a le côté punchy parce que, en fait, on est toujours en danger de toute façon quand on se balade dans cette ville. C'est-à-dire qu'on a rarement des moments de calme à part à la plage. Et là, on peut se faire attaquer à tout moment, donc il y a forcément un côté un peu plus baston, on va dire, et un côté un peu plus tranquille aussi, quand même, parce qu'il y a de l'exploration, et on peut jeter un œil à ce qui se passe dans les différents quartiers de Cloudbanks. Donc il y a plusieurs morceaux qui sont dans cette veine-là, en fait, et qui nous montrent les différentes ambiances qu'on peut trouver dans la ville. Et ben, c'est déjà la fin de cette analyse, donc on va pouvoir conclure tranquillement sur la bande originale de Transistor. Rester des heures. Ah là là, ma plus grande peur, c'était de voir débarquer un ennemi justement dans cette pièce. Et non. Et non, on est encore à la plage. Oui. Donc ça, c'est le morceau Sandbox, qui est un autre morceau, en fait, qui nous montre la plage. On va commencer un petit peu cette conclusion avec une comparaison avec le précédent jeu Bastion, parce que c'est même équipe, et que même développeur, etc. Et donc, il y a forcément de la comparaison, même compositeur. Au niveau de la musique, c'est assez intéressant quand même ce qu'a fait Darren Korb, parce qu'il a utilisé les mêmes instruments, donc avec banjo, la guitare est très très présente parce que, encore une fois, c'est son instrument vraiment. Les percussions aussi se ressemblent quand même pas mal, et avec l'ajout quand même de deux petits nouveaux, l'harpe et l'accordéon, ou en tout cas l'harpe existait en Bastion mais était vraiment mineure, alors que là du coup elle est vraiment mise en avant et c'est même elle qui tient plusieurs morceaux. Donc voilà, il y a vraiment une base solide qui va garder et qui gardera sûrement pour les prochains jeux, mais qui, là, est agrémentée de nouveaux instruments. On l'a évoqué, là, dans Transistor, on a un passage avec une gamme un petit peu orientale, mais en fait, tout ce qui est d'inspiration orientale dans Bastion et qui est assez présente et assez exotique, du coup, s'efface petit à petit dans Transistor pour donner quelque chose peut-être d'un peu plus occidental. En tout cas, c'est vraiment moins présent et ça donne un tout autre caractère. Ouais, et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'avec, on va dire, des outils qui sont sensiblement les mêmes et une manière de composer qui n'est pas si différente entre les deux jeux, il y a quand même une ambiance qui est très très différente et où on se trouve vraiment dans... C'est un peu ce que je disais au début, la vision futuriste et la vision steampunk. Il y a vraiment quelque chose de plus lisse, on va dire, dans Transistor et quelque chose de plus brut dans Bastion. Et il arrive vraiment à faire ressentir ça avec, on va dire, des outils assez simples et des manières de composer assez simples. Donc c'est assez fort de faire ça, et surtout c'est toujours en adéquation de toute façon avec les choix des développeurs et de l'équipe technique, parce que même au niveau des couleurs et etc, la musique s'accorde très bien avec ça, parce que là on est plutôt dans les tons bleus, verts, des couleurs plutôt froides, et donc la musique aussi va avec ça, et donc ça c'est plutôt bien joué de la part de Darren Korb. D'ailleurs, si on va un petit peu dans cette critique du jeu, on peut dire que c'est quand même un jeu assez classe. Voilà, nous on l'a trouvé très classieux, classe. Ah oui, charismatique. On se sent assez puissant en fait quand on joue à ce jeu. Il est bien rythmé. On sait à peu près où est-ce qu'on en est, à quel passage du jeu. C'est vraiment très entraînant. On sait vraiment ce qui se passe, sauf au niveau du scénario qui est un petit peu plus compliqué. Voilà. Ouais, c'est assez difficile à suivre quand même. Ouais. Ça marche par flashback, etc. Mais c'est pas forcément toujours évident de comprendre tout ce qui se passe et toutes les intrigues. Et on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose d'un peu mystérieux, mais du coup, des fois, on s'y perd. Et j'ai eu, moi, plusieurs moments où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous disent, quoi ? Qui est quoi ? Comment ? Je ne sais plus. Et ça perd un peu. C'est un peu dommage parce que sinon, le reste est vraiment excellent. Et moi, je sais que le fait d'avoir préféré le jeu Transistor au jeu Bastion, ça m'a fait aussi aimer davantage sa musique. Donc sans m'en rendre compte, j'ai préféré la musique de Transistor, alors que si on m'avait fait écouter Bastion et Transistor sans forcément que je joue au jeu, j'aurais sans doute tendance à préférer Bastion, qui est plus proche de mes goûts habituellement, en fait. Ouais, c'est ça, c'est super intéressant quand même comme réflexion. Évidemment, ça paraît un peu bateau de se dire en même temps, vous allez plus apprécier la musique quand vous allez jouer au jeu, mais en même temps, oui, c'est forcément lié. Mais ça prouve aussi que l'expérience du jeu va vraiment se refléter sur tout ce que vous aimez dans le jeu, et donc tout va vous sembler bon, en fait, même si la musique est pas forcément meilleure que l'autre, parce que c'est pas non plus un concours, ça va forcément plus vous parler, parce qu'il y a des moments forts qui vont aller avec le jeu, ou des moments de gameplay où vous avez senti que c'était trop bien à faire, donc si la musique s'accorde avec ça, vous allez la trouver forcément mieux. Moi, j'ai un peu le même avis que toi, c'est-à-dire que ma sensibilité irait plus vers la musique de Bastion, dans le sens où le côté oriental me parle beaucoup, je trouve ça très très classe, les instruments qui sont mis, le sitar et tout ça, ça me parle beaucoup. Mais si on va du côté plutôt rationnel, on va dire, et moins sentimental, c'est comme Transistor, je trouve, qui marche mieux, parce qu'il y a un sentiment de maîtrise, en fait, que je trouve assez bien foutu, que ce soit dans le jeu, dans le gameplay, dans le design et aussi dans la musique. Il y a vraiment un côté costaud, qu'on a un peu moins dans Bastion, qui est un premier jeu, donc qui est forcément avec quelques défauts et qui n'est pas forcément aussi enivrant, on va dire, que d'autres. Donc voilà, c'est vraiment... en tout cas, c'est du très bon boulot pour les deux jeux. On est d'accord. On vous recommande Supergiant Games. Et nous, on attend le prochain jeu qui devrait sortir cette année, 2017, qui s'appelle Pyre. P-Y-R-E, et qui est un jeu RPG visiblement toujours avec le même design, et donc nous on attend avec impatience évidemment ce que nous prépare Supergiant Games. Surtout s'il y a encore de la harpe. Mais oui, encore de la harpe, allons-y avec cet instrument. Plein. Allez, on en a terminé avec Transistor, et c'est donc le moment de notre rubrique préférée, favorite de tout l'univers, le niveau bonus. On continue du coup notre poursuite dans les genres de jeux vidéo. On avait fait donc le jeu de gestion et le jeu de plateforme dans les précédentes émissions. Et ce coup-ci, on va s'attaquer au genre roi ces dernières années, le FPS, First Person Shooter, aussi appelé Doom-like dans l'ancien temps. Et du coup, c'est toi qui commences d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'ai parlé tout à l'heure de Portal, mais on ne va pas parler de Portal. Moi, j'en ai choisi un autre qui nous a beaucoup plu. D'ailleurs, vous pourrez écouter une super émission qui parle du premier volet de cette série. Tu veux dire une émission qui s'appelle OST par exemple ? Oui, c'est ça, qu'on trouverait sur Facebook, sur PodCloud, un truc sympa. Et là, donc, c'est plus BioShock 1, mais on passe bien à BioShock 2. venez donc d'entendre le thème principal du jeu BioShock 2, appelé Powerbound. Ce jeu-là est sorti en 2010, c'est donc bien le deuxième volet de la série BioShock. Vous avez aussi BioShock Infinite, qui enchaîne après. C'est un jeu super, ça ressemble, c'est vraiment dans la même veine que BioShock 1, enfin c'est vraiment la suite. C'est un vrai jeu FPS avec des pouvoirs, avec aussi toujours de l'horreur comme dans le premier BioShock, contrairement à Infinite qui serait assez différent au niveau de l'ambiance. Et là, celui-là, il est toujours aussi bon, toujours aussi bien. Et la musique, avec des instruments acoustiques, instruments à cordes frottées, qui sont toujours aussi mélancoliques et magnifiquement interprétés. Voilà, je ne suis pas très objective peut-être. Mais... Non, non, mais c'était une bonne suite. Après, c'est pas, il est forcément passé après le premier BioShock, et donc l'effet de surprise est un peu tombé. Mais ça reste un très bon jeu quand même, qui reste à faire BioShock 2. Si vous avez aimé BioShock 1, il n'y a pas de raison de louper BioShock 2. On est d'accord. C'est moi qui enchaîne, on est toujours sur les FPS et on va parler d'un FPS qui est un peu tombé dans l'oubli et que moi j'avais adoré quand je l'avais fait sur PlayStation 2 à l'époque. Et là, on va plutôt parler un petit peu bande dessinée parce qu'il s'agit du jeu vidéo 13. Ah là là, cette musique donc pour le jeu vidéo 13 qui a été développé par Ubisoft, qui est sorti en 2003 sur PC et sur les consoles de l'époque, donc c'était Xbox, première du nom, PS2 et peut-être GameCube. Et donc qui est un jeu qui reprend évidemment, qui est l'adaptation de la bande dessinée bien connue de John Van Hamme, si ma mémoire est bonne. Et donc qui nous parle de cet agent qui est accusé d'avoir tué un candidat à la présidence, ou même un président, je ne sais plus tout à fait, et qui se retrouve dans une sombre imagination, donc c'est du complot à l'américaine comme on les aime, avec une super ambiance, l'adaptation est vraiment super, donc avec le style cel shading qui fait vraiment bande dessinée, qui marche très bien, avec le découpage en cases aussi pour faire ça. Et c'est un très bon jeu qui mêle infiltration et FPS, et je trouve qu'il a été un peu oublié et qu'il mériterait bien une nouvelle sortie, en tout cas peut-être en haute définition, à nouveau un petit remake des familles, parce que c'était vraiment un très bon jeu, et moi je l'ai vraiment beaucoup aimé et je l'ai fait jusqu'au bout. Et c'est là que je me rends compte que j'en avais jamais entendu parler. Bah ouais, là on n'en entend plus parler, alors que vraiment c'était une très très belle réussite. Et donc voilà, moi je conseille en tout cas, si vous avez une PS2 qui traîne ou sur PC, si vous pouvez le retrouver, faites-vous 13, c'est vraiment du très très bon. Bah maintenant c'est la fin de cette émission. Voilà. Donc merci beaucoup Emeline. Merci à toi Romain. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que l'émission vous a plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusé à faire l'analyse de Transistor. Très bon jeu qu'on vous conseille, Super Giant Games, etc. Vous pouvez nous retrouver les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur le site PodCloud aussi pour nous écouter en podcast. Et nous, on vous souhaite maintenant un très bon week-end sur les ondes de Radio Dijon Campus. À bientôt.